moi je pense que Lelo, ceux qui m'ont tout le monde qui a fait et que Lelo a fait salami bien, Il y a un peu de musique. Bisson a esprit, na biso ezabo monté tu ébique. Faire ça la production na oyo bat pas obengai par-ci par-là, zo ke rubeta. Na braza so bengi, aya beti na ya pointe mais na zo kamo lele komi et komi et komi problème. Et peut remarquer que ba problème ango ezé bimakaka na ngambu ya ba communicateur, ya ba ndeko ya artiste. Au moins que l'artiste ye mona mutuna ezabo monté. Obi lelo, to za la fière, maison Adidas ba ko implanter peut-être société, ben usine. Il y a griffe Adidas à Kinshasa grâce à faire rigola. Donc les lots vont bénéficier de faire rigola cotiser leur monde en boka. Apporter un plus dans boka naï. Artiste international, Yara, va bien en Moradis. Vous signez un contrat. Non, Yara. Je suis aux artistes, aux Yaneni. Yara. Je suis aux artistes à Pino. Donc rien à voir que contrat on est aligné à Adidas na Robon. Rien à voir et moi n'a rien à voir. Contrat il y a Ferré direct na Adidas. Adidas. Ma compagnie na Helico Kachezara banque ça partenaire na yé parce que bon ba telle matière il y a Mongo. C'est simple, il faut comprendre. Bon, les gens qui ont des missions, les gens qui ont des bateaux, peut-être, ils manquent à comprendre le français. Mais peut-être, ils manquent à mon intelligence, ils ne sont pas n'importe quoi. Mais on a besoin de la vision. On a la matière, que, matière où les gars sont. Maman, bon, c'est ça, on va jeter. Toi, la première visa, tu es ok, c'est le voyage calamité. Toi, le problème, il y a un jour, tu es. Toi, le problème, il y a un déplacement. Donc, il faut que tu voyages une semaine ou deux semaines avant. Non! Faire rigolo là. Mandingi monte. Batwa somi ba billet na conseil Adidas Arena pour les 20 et les 21. Batwa somi ba billet pour amour ba misa faire ba bazo ko trengane na Château Rouge. Très bien. Batwa somi ba billet pour amour ba kan ba photo na Tour Eiffel. Batwa somi ba billet pour amour na ba les 20. Amour na ba ngoli bosso. Na les 21 na podium. Donc trop qui n'est les 19. Très bien. Trop qui n'est les 18. Trop comme appelle les 20 na tongo na pour que ça li balance. Très bien. Batwa la besoin mon ba ngoli na podium. Oh wana monsieur c'est à la pré. Alors pourquoi vous n'êtes pas tout en avant? Le Blasco bateau, c'est une émission soit disant journaliste à Mayele. Analyste. Ok. De battre pas du temps là-bas, on va te faire un Indre Simbakis. Oui. Ato Simbakis, il y a moins d'un assigné contre qui ça s'imbé. Donc faire un Indre. Ok, Indre Sanin. Mira, tenez, faire rigolo, il s'est divisé en deux parties. Katika Tanzo, tu n'as que Indre. Katika Tanzo, tu n'as que Espagne. Mon limon, est-ce que tu as le wapi? Très bien. Parce que tu as un peu de réfléchir au bon. Dans l'ancien dev, à ta air moko, tu as un peu de réfléchir au fort et tu as intelligent. Très bien. Tu as un peu de éduquer parce que tu as déjà carrière. Très bien. Lélo, toi après demain, peut-être tu as un peu de communicateur, tu as un peu de auprès des artistes, tu as un peu artistes, tu as un peu de carrière, tu as embrassé ma maman, tu as un peu de repos. Mais tu as devenu un lobby. Ce qui est un peu de carrière, tu as un peu de lobby. Lobby n'a pas de ses années. Donc, tu as un peu de l'effort. Donc, tu as un peu de la vérité. Attends, oui, tu as soutenu l'artiste X. Mission n'a pas de détruire l'artiste O. Mais tu as dit de manière intelligente. Même David, tu as un peu de temps. Tu as un griffe mort, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps pour moi. Tu as un peu de temps pour moi. Parce que faire un peu de temps. Aujourd'hui, quand un artiste ne porte que l'artiste africain, Azola ta griffe Adidas, ayeba kesa na artiste moko. Allez la rambongo ya o ya uto somba Adidas. Je recommande baba somba bala ta pas faire ko tsala. Je fais appel à votre sagesse. Et la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous. Car vous êtes capable de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le rendez-vous reste le 20 et le 21 avril 2024, l'année que nous sommes. L'artiste musicien Ferré Gola mettant toujours sur des dates 20-21 avril 2024 dans une salle Adidas Arena Intel Européenne. Alors, avant cela, l'artiste a voulu un peu faire quelque chose, Oyo, et c'est pour ça là, que séparation na yena communauté et ça là dans le bien. Fait rigolo, promet deux grands concerts au niveau du Congo Brazzaville, le 6 et le 7 avril. Fait rigolo, sera du côté Congo Brazzaville pour faire des concerts de revoir. Et après cela, il va revenir à Kinshasa pour nous faire un concert public en plein air, le temps pour lui, une manière pour lui plutôt de nous dire au revoir pour ces deux grands concerts. Et après le 20, le 21, Ferrigola sera du côté Adidas Genève. Ça prouve que tout ce que nous sommes en train de faire comme travail en collaboration avec les artistes et musiciens, et c'est comme ça que nous devons au moins, mesdames et messieurs, faire promouvoir la culture congolaise, également faire promouvoir les artistes congolais, car j'ai une fierté d'avoir une même nationalité que Ferrigola, que Fally Ipupa, que Koffi Olomide, Jubien Piana, ainsi que tous les artistes musiciens. Tant que nous sommes dans le Liban, nous sommes dans le Ferri, nous sommes dans le Fally, nous sommes dans le Koffi, et c'est comme ça. Alors nous devons, qu'on sera toujours fiers d'un artiste congolais, d'artiste d'Abisso congolais, c'est une richesse pour nous. C'est officiel que l'artiste musicien Ferrigola, après Helico Cash, Rao Bank, en collaboration avec Adidas Arena, l'artiste vient de signer un contrat plutôt de longue date entre Helico Cash Eurobank en collaboration avec Adidas. Après plusieurs temps de critiques, l'artiste est en train de faire gratuitement la publicité de la marque Adidas, et enfin l'artiste a réussi à faire un contrat avec la marque Adidas et c'est officiel. Alors nous allons débattre tout autour de cette actualité qui fait du buzz sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Nous allons parler, est-ce que c'est vrai, les contrats sont officiels? Est-ce que c'est vrai, Ferrigola a promis de faire un concert populaire à Kinshasa avant de prendre le vol avec Jet Set dans l'ensemble pour 20-21 avril 2024. Lucie Fiston Frappe, l'habitué de notre plateau de valeur. Mesdames et messieurs, abonnés de toute info, votre chaîne de valeur, je suis très heureux encore une fois de vous retrouver Bino et Bélé, Limoussa Baïtando Ikena Bino pour la émission de valeur, dans la chaîne de valeur, parce que nous avons un invité de valeur. Lucie Fiston Frappe, mon frère, bonjour. Bonjour Donan, bonjour Nabande Konyos, Oyo. Vous êtes Bakwa Olanda Bissot. Peu importe, voilà. Piston Frappe, je pense que quand il y a pour la Monique, comment je peux dire, Internet est Hindi, comment on a quoi employé mot Internet est Hindi, Ferrigola a explosé, Ferrigola, d'abord, Jet Set, bon, il va s'en voir Jet Set. Ouais, Jet Set, ça va, ça va très bien. Ok. Déjà, je vais vous dire que j'ai deux grandes productions au niveau de la Congo Brazzaville, les 5, les 6 pour eux déjà. L'orchestre est déjà dès aujourd'hui au Katissa, demain matin, pour la Ngamba Brazzaville, pour les deux grandes productions. Et voilà, et puis les 13, nous avons à Kinshasa, dans Aqua Splash, l'orchestre est là qu'on s'est comporté très bien et Bissot nous va bien. Alors, concert de revoir, ou bien déjà la stratégie que l'artiste veut faire déjà avec Brazzaville. Donc, tu as fait comme maman dans l'émission, parce que ça s'est dit que ce n'est pas pour longtemps, clôture il y a mois de mars, tout le monde a l'artiste Fally, auto-clôture mois de mars dans Brazzaville, et directement tout le monde fait revoir la paix qu'il y a un système né à bas, parce qu'il y a comme il y a un jeu des deux, à Kizongi sous Brazzaville, on a aucun de combien tu as des concerts. Et ça, concert de revoir, ou bien c'est un concert pour dire que, oh, il y a un salama qui vient, il faut qu'il corrige. Bon, tout dépend de la réflexion, de la conception, de la idée en bas. Nous devons faire un concert de revoir ou pas. Okay. Tout ça, nous devons faire un concert de revoir, nous devons faire un concert de correction. Tout dépend de la conception. Mais, oh, c'est tout ébiqué. Le 5, le 6, fait rigolo dans la Brazzaville. Okay. Le 5, il y a un point noir, et puis le 6, il y a un Brazza. Et voilà quoi, ça parce que biso la communauté actuellement to comme fort na comparaison, bien que bah français va le mal biso qui comparaison pas raison et ça raison t'es, mais biso communauté to comme moins fort na comparaison, parce que fallait habiter qui VIP ma fille, je ne pense pas qu'on habite un VIP, il y a un concert populaire. Bon, biso to za na aspect wana te o bande ko bazo kanisilango. OK. Biso aspect na biso za mususu beto ke na ngaka na ndenge ya ba penser ya batu na aspect wana to kota na ngoka bongo et surtout kota na aspect batu ba lo ba ke fer rigolo ya après ndeko na ye. Moi je pense que lelo ceux qui mutu moka sa de lo ko moko boye et que elo ko ne salami bien te. Mm-hmm. Ba kusenga mutu mususu aya pona aya ku kusala ya kwa kubongisa yango. Okay. Musique ezala ndenge nango. To zango na spe wala bande ko balobi, ndeko na biso artiste a otime obeta na Brazzaville deux concerts et que peut-être certainement ba Brazzaville ba zaipe contente mususu ba zaipe satisfaite par rapport ya musique ndeko ote ko pesa. Yango ba sali recours na faire ego la auto benga e on a benga l'onction de la musique africaine, l'onction qui attire encre correcteur. Normal il fait pas ko ya. On a pour soigner ka image ya musique na biso et garder toujours identité nango. Alors ya après on a corrigé nde bande ko balobi toujours pe na spirit wana mais biso na esprit na biso eza bon côté tribi ke faire ça la production na ye oyo ba pas benga par ci par là zo ke kubeta na braza so ba dengue aya beti na ye ya prompt mais na zo ka molele komi et comme problème et peut remarquer que ba problème nango eze bimakaka na ngambu ya ba communicateur. Il y a des artistes. Au moins, okay. Un artiste, il y a des gens qui sont bons. Ok, ok. Mais les communicateurs, les fanatiques, ils ont des problèmes, ils ont des bons. Le problème, comment ça l'a créé? Créé, moi, que non. Il y a des gens qui ont fait la randaraye. Okay. Parce qu'il y a zoya ko beta au beta bien té. Azo ya avant au sa makambu ya bien té. OK. Azo weli sa ko mbango undika ko sala ngolo bien. Metanga ko sala ngolo sala ngolo bien té. Botika fera ya sima na epo na corriger ya sala ya malam. Mhm. Donc que non aspire na ke fera ya après oui. Jean-Baptiste Jésus a le bossa Jean-Baptiste té. OK. Jean-Baptiste a toujours le bossa Jésus. Ya Jean-Baptiste ça va que c'est lui qui viendra après moi. Mhm. Il s'appelle Messie. Baptême du Saint-Esprit. Très bien. À préparer à arriver à Yesu. Où est-ce normal que faire il faut aller après Yé. Alors vous appelez Jean-Baptiste la musique congolaise. Faire égo la salle Messie, tu peux Jésus la musique congolaise. Donc aujourd'hui dire que faire égo la salle à Makambo toujours après Fali, selon Fiston Frappe, c'est une manière, il y a quelqu'un qui corrige tout ce que Fali fait avant. Ma bé, où est-ce avant. Donc où est-ce la avant, est-ce la non, ça va bien. On s'en rend bien. Parce qu'on s'en rend bien, on s'en recours à faire. Très bien. Pourquoi faire ça à ça les lots qu'on a ici tout ça va remettre après été. À s'assurer que l'on a ça bien et ça sans correction. Très bien. Faire ça à bête l'on a ça propre ici. Puis tout va mais pourquoi artiste M. Soya Betty faut que tout va simané, va corriger. Il faut se poser aussi des questions. Pourquoi seulement. Il y a un beau salaire fort, il faut que ça soit fort que l'artiste, tant que ça les lots qu'on a, ça l'a bien. Sans trace, c'est ça, parce que non, il y a une histoire. Que Batouba Royal, il y a un salle à faire. Voilà pourquoi faire un petit concert. Batouba, il y a un petit concert. Il y a un petit concert. Il y a un petit concert. Est-ce que vous avez un petit Est-ce que vous avez un petit Est-ce que vous avez un petit retiré. Ok. Mais, il y a un petit concert. Il y a un petit concert. Il y a un petit concert. Pourquoi? Parce que, même si vous avez un petit concert, vous avez un petit concert. Vous avez un petit concert. Il y a une loi nature. Jean-Baptiste a avant faire. Avant Jésus. Donc faire un après y. Très bien. Trop bien, Fiston Frappe. Merci beaucoup la réalisation. Merci beaucoup d'avoir pris sa photo. C'est quelque chose où tout l'amour qui te manifeste a encore frappé. Contrat na Adidas. Donc aujourd'hui on peut dire que faire rigola a continué na ça la publicité Adidas. Gratuitement ou bien l'artiste actuellement il est en train de faire une publicité moyennant quelque chose. Il faut que les gens va retenir une chose. Ok. Faire égola premièrement à cela qui publicité à Adidas. Nulle part bah pas moins dans mes missions tout dans ma vidéo faire égola recommander bah tout balade Adidas. Très bien. Tu vas consommer Adidas nulle part. Ok. Et quelque chose à mater. Bah fanatiques que nous sommes, les communicateurs que nous sommes, tout ça l'ayons volontairement. Très bien. Donc, quand il y a Adidas Arena, tu peux faire valer la griffe ou Adidas, tu as été sur Adidas, sur recommandation à personne. La volonté d'Abiso, faire attirer jamais que le balam Noronae. C'est maintenant où l'artiste, c'est un professionnel. Okay. C'est maintenant où l'artiste est en signé contre un Aïda au Pessa mot d'ordre. Donc, il faut comprendre que les gens parlaient ou faisaient de l'autre côté, mais Feu Rigola, c'est l'onction de la musique qui attire. Tant que ça, les locaux, tu es bagité dans la cime, à la boule. Dans mon avis, il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas que vous ayez un blanc, parce qu'on ne sait jamais. Jamais, très bien. Vous comprenez? Tu as les locaux, les va finir ça, Luana, ça la mouquille. Voilà. Et locaux, les angatina, il y a une répétition. Mais vous avez le niveau même, l'artiste. L'artiste. Dans la salle, dans le contrat fait raciner, ils ont un rapport. Hein? Très bien. Ils ont une dimension. Voilà. Au bon moment, que tu as le lobby, tu as 46 000 places, 23 000 places après le concert. Ça, il y a 46 000, 23 000 places. Et puis, c'est binoni. Vous comprenez? Mais ça, la mouké, vous m'avez mouké, vous négligez qui? Mais vous t'avez mémé, et vous t'avez appelé, c'est l'autre mémé faire. Yon balobara, la vie, il faut pas, il faut tourner la langue cette fois. Il faut beaucoup réfléchir avant ça, parce qu'on ne sait jamais de temps, mon amoukili, ah, tu habites, ni nos mémoires, ni nos kénoires, place nos mémoires. Donc, je vous informe, c'est officiel, l'artiste Feu Rigola vient de signer un contrat avec la maison Adidas originale. Eux, il faut qu'on précise, c'est le premier artiste africain qui a signé contrat Adidas original. Très bien. Artiste à Libosso en Afrique Mobimba qui a signé contrat Adidas. Pendant que il y a des artistes professionnels au en Afrique, bah là tu vas griffer Adidas. Ebélé, ebélé. Mais pourquoi besoin contrat Adidas c'est. Pourquoi besoin contrat Adidas c'est. Voire même Nathalie Bob Marley. OK. À ce moment-là tu as Adidas. Ma joueur est dangereux. Tout le monde va jouer à l'équipe nationale. Ah, on a Congo, on a l'Afrique. Bah, t'as marqué Adidas. Mais parce qu'il n'y a jamais qu'on a contrat d'Adidas. Mais bon, t'as l'affaire, le premier artiste africain pour signer contrat dans la maison Adidas originale. Des élogues, oh, Afrique, tout à la fière. Congo, photo, il y a plein des émissions pour féliciter. Pour la retombe, le Kumu Yamboka. Ça, c'est le Congo qui gagne. Ok. Tout le monde a une tendance. Ça, c'est le Congo qui gagne. C'est une fierté. Qui fait le lion Adidas, moto ayam en Afrique Mobimba. Oh bah misé tout Afrique, bah danger au Bazali, faut respecter Congo. Alors qu'est-ce qui fait que les lions, les gens disent que on a vu une photo, oui, un contrat, ils ont signé, mais oui, mais tout ça, ils ont salama, la gratuité, l'artiste n'a rien gagné, les contraires, les alliés des sponsors n'a yé, illico cash. Illico Cash, Robank, n'est pas bénéficié, na Adidas, l'artiste n'a rien bénéficié, na contrawana. Bato par le babon, bato va réfléchir. Ce sont pas des intelligents. Ceux qui ont un bénéfice à Robank, Robank a aussi Adidas publicité où? Ok. Ça n'a rien à voir. Donc, bato faut comprendre que déjà, place faire, bato c'est Mbongo, ton contrat signé Adidas y a Mbongo, ton l'action à la télévision t'es. Non, ça la contrat moi l'action à la TV. Très bien. Et ça l'a raté? Et on a la vision, on va comprendre que déjà, Rao Bank représente Mbongo. Ok. Et sa banque. Voilà. Oh, qui déjà, fait un voyage, il a déjà le numéro 1, il y a Rao Bank. Il y a Kuna, il y a la maison Adidas. Il faut comprendre que ça, il y a transaction, il y a transfert. Fait rigolo, déjà, il y a ambassadeur, il y a Illico Cash. Dans le cas de Rao Bank. Donc, il faut que les gens comprennent que, ah, comme il y a Mbongo, déjà, ça, on a déjà, on a déjà assuré. Adidas, vous avez sécurité, il y a mongo et artiste. Par exemple, banque, il y a mnen. Très bien. C'est comme ça, ça se passe. C'est que ça, mon niveau, on sait que c'est une grosse somme. Vous avez comme professionnel, comme il y a 1000 T. Très bien. Ah, tout le monde, il y a un million. Au fait, il y a une fois à s'assurer, à la confiance, il y a une fois. Parce que mon niveau, il y a un maître, il y a un score, il y a un bélé. Vous comprenez? Vous savez, vous n'êtes pas content, il va frapper, il va éviter. Ce que vous avez un professionnel, il y a un Konda. Rare banque, il y a une maîtrise à l'art. Bah là on a miné là des fois déjà au banque bas là bas là on va taguer non ils a boué transfert ils a mis code ils a boué t'as la boue transfert ok c'est bon tout le monde a même va filmer non très bien moi la bosse la transaction mon bongo des parties boué vendu un ordinateur payé salama ou à je vérifie bah spécialement moi vérifie ok mais bon c'est bon c'est bon le transfert fait ok c'est bon bokani malais quoi pécili pécili et c'est comme ça ça s'est passé donc au banque ils ont représenté bongo ils ont représenté banque oh transaction salami faire aussi signer contrat et en fait l'été. C'est un artiste, c'est un artiste professionnel, et il y a un donc, Rao Bank, il va accompagner un artiste. Et puis, il faut que tu fasses rigoler à quel canal déjà Rao Bank. Ok. À quelle autorité, monsieur, tu vas éviter. Par exemple, c'est une fierté pour apprendre la République. Donc, aujourd'hui, on va. Lobby Lelo, tu as la fière, maison Adidas, pour implanter peut-être une société ou bien une usine il y a griffe Adidas à Kinshasa grâce à Ferrego là. Donc les lobes vont bénéficier de bien faire rigoler à cotiser le monde en Mboka. Apporter un plus dans Mboka naï. Contrat n'est pas simple donc faire à quoi imposer Bango maison Adidas à Kinshasa. Et ça là. Déjà, toi, bah, tu as bon déjà, bah, mis ça là. De faire à mémé le monde amené dans Mboka naï. Merci beaucoup, Fistofa. Alors, ensemble, nous allons lire la publication de l'artiste, musicien Ferrego là. Allo, Biboé. Je vous annonce, l'ambassadeur de l'Ico Cash que je suis est officiellement en collaboration avec la marque Adidas Original. Donc lui, l'ambassadeur de l'Ico Cash, a signé un contrat avec la marque Adidas. Donc rien à voir que contrat on les aligne à Adidas n'a rebond. Rien à voir, on a rien à voir. Contrat il a fait rebond directement marque Adidas. Ma compagnie na Elico Cash est un banque est un partenaire naie parce que bon bah telle matière il y a Mongo. C'est simple, bah tu faut comprendre bon ils ont bateau bah ça mais monsieur les gens bateau le bah bateau peut-être ils ont manqué à comprendre français. Mais peut-être manque et mon intelligence c'est le monsieur bah n'importe quoi bah oh bah ça la vision oh bah la matière que matière où les gars bouge. Maman bon bah c'est ça on va jeter. Okay. Adidas c'est une maison nénée. Okay. Après ça va être ah j'ai contre nénée. Donc nénée moi Adidas a signé là bas na ba Messi. Nénée a signé là bas Cristiano. Nénée a signé na ba Benzema. Nénée a signé là bas Neymar. Nénée moi a signé na Ferry. Artiste donc maman bon gars. Et si on a des artistes, on a signé un contrat, on a marqué un ami néné, on a toujours accompagné la banque. Pour la transaction, ça se passe comme ça. On a dit que c'est un professionnel. Faire que c'est un professionnel, on a fait ça professionnellement. Donc, on a accompagné la banque. La banque. Pour la plus de sérieux. Pour la sérieux, on a une assurance, il y a un bon côté. Parce que déjà, tu as vu ça qui est déjà, le Golo Otozali. Déjà dans la publicité, il y a conseil de la mission Adidas Arena. Maison Adidas déjà a remarqué que plus de 40% il y a recettes, il y a vente, il y a marque. Na très bien. Dans le monde entier. 40% il y a vente, mais Adidas est ciblé. Voilà, jusque-là, artiste, il y a un appelé ça qui est mot d'ordre. De faire le mec qui est lourd. Voilà, c'est la mission sur une vidéo, il fait avec la mission de toi, Adidas et Zati. Donc, la mission de toi, on a volonté. Désormais, toi, tu as mission Moko. Et c'est maintenant l'artiste a fait ça maintenant fait vert parce qu'il a comme collaborateur il y a Adidas qui bissot ce que tu as Adidas n'a encore pas c'est comme une marque qui a bissot donc maintenant tu as la marque n'est le Cristiano la marque n'est CR7 mais si pas dans la marque dans l'attaque très bien Nike n'aie mais tu joues dans ce match dans la marque n'aie et bissot le Congo c'est le premier artiste dans la marque n'aie où est Adidas donc désormais dans le Golanion sur Adidas c'est la marque n'aie bissot Zala Nango à tes portes clés ok. Ate a singlé, ate a képi, de temps en temps, comme identité, il y a Bagoulois. Adidas, c'est comme identité, donc marque à faire. Désormais, l'artiste, comment on l'a dit? Alors, Fiston Frappe, quand tu dis que non, c'est une première dans l'histoire, alors tout le monde a ka, puis l'artiste est fallu. Souvent, on a ba défilé, on a défilé ça là, que plusieurs marques à Babilamba, Griffe Bélé à Babilamba, tout le monde a présence, il y a artiste fallu, qui n'a pas qu'on représente Congo, on a ba défilé à la grande marque qu'on a. Et comment tu peux dire? C'est différent. Ok. Qu'est-ce qu'il y a la différence? La différence, c'est que, pour ça, la défilé pour la marque, ba pe si yo mbongo pour l'événement. Wana. Okay. Tout le monde a papa va défiler à Yamamoto. Il a signé un contrat à Yamamoto. Okay. Okay. Mais il a signé un contrat à défiler à Yamamoto. C'est-à-dire, tu as un événement Morobo et peut-être l'événement est le Bela Nike. Alors, tu préfères artiste pour essayer de la bise de défiler pour la marque événement. Wana. Dès que Karine parle pas à la marque, na. Très bien. On peut ça au l'art. Ok. On peut ça au l'art, oui, au défilé d'événement et s'il Sili. Mais au signé un contrat à partenariat. Mais au signé un contrat à événement. Après l'événement, tiki-ta. Ok. Donc, exactement que on a commis désormais que l'ata Nike et tout l'ata Puma, ils ont marqué dans la signature. C'est pour la première fois. Et on a la précision bien dans ma chaîne internationale que c'est le premier artiste africain qui a signé contrat dans la maison Adidas. Très bien. Donc, déjà, ils ont différent. Papa va défiler, non? Papa va défiler. L'artiste est bien, ça va défiler. Il va bilama, il va bilama. Il va fashion, oui. Il va bilama, il va défiler salama. Mais ils ont différent. Na ko collaborer to ko signer contrat na maison ya ilamba wana ko signer contrat ya partenariat ke oza biso deux différents. Voilà, la différence vient parce que ko sala invité ya événement na ko signer contrat na marque, ils a des choses différentes selon notre frère Fiston Fab. Alors nous avançons avec notre mission Fiston Fab. Alors aujourd'hui ça s'est dit un peu partout concernant mon visa. Donc c'est comme si jusque là nous avons un problème avec la délégation de Ferrego là, pour aller même trop loin. Je vis une fille, nani, comment il s'appelle, Nenea, à Tangiba Kombo Yabatu Obo Kende Poto. On a vite compris que Juste moi, bah tout le monde restreint quand il y a des potos qui rigolent jusque là, a des problèmes de visa. Comment là c'est leur, là c'est leur conception à Bissau Congolais. Ok. Congolais ça la façon à mon amakam, la façon à l'ingrédient. Donc c'est à dire les gens veulent que bah profiter na makambo et le cola moni. Nous sommes dans la chaîne YouTube na hein. Ok. Alors il y a la propre chaîne na hein. Donc déjà alors c'est l'actualité moi beaucoup na. Chaîne vivre. Très bien. Donc, bah, tu vas voir, j'ai déplacement, tu peux voir, j'ai fait pour ma chaîne et ma cam. Il y a un moment où tu as l'analyse selon y est. C'est leur réception, c'est leur conception. Donc, faire rigolo, n'a rien à voir. Tu as la première visée à papa. Tu as signé contre la maison Adidas. Adidas, ça a besoin, ça a un problème dans Schengen. Très bien. Adidas, ça a un problème dans l'ambassade, n'importe quelle visée. Donc, influence fait Adidas, ça compte. Faire le somme d'Adidas, n'est pas là. Dans le cadre de concert, il y a salle Nayo. Ok. J'ai besoin de partir avec 500 personnes. Très bien. Dans l'idée automatique. À OPC. Alors, comme tu as bien en bas, je vais même pas besoin de. Très bien. Parce que ça a la promotion. Il y a besoin de la promotion, de la TKP, salle Nayo par rapport à l'autre. J'ai besoin de tant de personnes. Je vais accorder visa facilement. Donc, on n'a pas de problème. Toi, il y a un visa. Donc, quand tu as un visa, tu vas pas là. Ok. Donc, ils ont réfléchi dans les listes, ils ont spéculé l'internet, ils ont listé les bateaux à Canici. Ils ont un côté pour battre aux visas, ils ont un côté pour voyager. Vous comprenez? Donc, ils ont sauté dans la liste, ils ont été battus, même les musiciens. Vous comprenez que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été cassés d'internet pour créer ma cambo. Ah, ils ont remarqué. Ils ont remarqué que les gens sont bambou le loco. Même si on a dit que nous avons Firenze à Lely. Ouais, donc tu as Franck Stéphane. Les laticiens, les Kamoumobo, ils n'ont jamais coexisté. Et les laticiens peuvent coller comme des gens. Mais comment c'est notre bénédiction? Et qui peut naître? Ça, c'est les Congolais. Trop bien. C'est cool. Il faut comprendre que tu as créé ma soeur, tout, il y a ma fille. Mais tu as un problème à visiter, ok, c'est voyager quand la mine. Tu as un problème, il y a un jour. Tu as un problème à déplacement. Donc tu ne peux pas le tout à que il faut que tu voyages une semaine ou deux semaines avant. Non. Faire rigolo là. Ça m'a monté. Bah tu vas sûrement pas billet dans le conseil Adidas Arena pour les 20 et les 21. Bah tu vas sûrement pas billet pour moi là mis ça faire bah donc au tringaner dans Château Rouge. Très bien. Bah sûrement pas billet pour moi là bas quand on va photo dans Tour Eiffel. Bah sûrement pas billet pour moi là bas les 20. Moi là bas on les 21 au podium. Donc trop qu'on appelle les 19. Très bien. Trop qu'on appelle les 18. Trop qu'on appelle les 20 dans Tongo dans pour que ça les balance. Très bien. Bah tu as besoin moi là bas on est au podium. Oh on a monsieur c'est à la pré. Alors pourquoi vous n'êtes pas tout en avant? Voilà, Pessanga, donne-moi cette photo. Est-ce vrai qu'on a surpris Fendt? Eh. Ah, ok, ça n'a eh, bah, t'as bien que Simba qui s'est dit. Qui s'en va en tout Simba? Ah, eh. Bon, mais qui s'en va? Nathalie Bémission. Oh, son bel on a Simba à Sali contre on a Fendt. Parce qu'il faut que le Blasco bateau, bah, ça bémission, soit disait ma journaliste à Mayele. Bah, analyste. Ok. De bah, pas du temps là-bas, qu'on va faire avec Fendt ou Simba qui s'est dit. Oui. A tout Simba qui s'y a signé contre qui s'assimbe. Donc, frère, il y a une entité. Ok, un dos à Nîmes. Destination avec une entité, destination avec Espagne. Très bien. Mais c'est que tellement les gens vont faire cette impression. Avant de faire l'analyse, réfléchir bien. Il y a des gens aussi qui vont commenter, il y a solo. Voilà les Congolais que nous sommes. Très bien. Donc, je vais faire un peu de temps. Félicitations, mon frère, tu parles bien. Bravo à toi. J'aime. Voilà le niveau Congolais comme nous. Si on a ça qui est mission, c'est courage. Il y a aussi une mission pour démentir. Est-ce que vous êtes crédible dans la mission pour ça? Est-ce que vous pensez à tout envie à autant la bino par rapport à ma propos la bino aux forces qui m'ont attaqué ma ramusse sur bon mot là c'est ma comme tu vois les résultats mon discours place le kuta et bimaya pas yabat y a un moment où ramusse sur ma pensée amène votre crédibilité te le dis pourquoi parce que bon mes caractères aussi les forts attaquent qui est colombe la vérité et ça ni donc en disant que le journaliste c'est mon confrère d'ailleurs c'est mon confrère Bev qui nous a dit que à KN. On a surpris Ferrego la zone de N. Donc ce qui par exemple demain après demain na yambi les confrères na koyé bisaye que pourquoi tu as dit que Ferrego la zone de N. Alors ce qui a la qui n'a pas preuve qu'est-ce qu'on nous allons dire? Mais ma preuve vraiment la qui ça n'a habité il y a le baki à la baki Ferrego la KN. À KN. À KN. À celle mission Lelo Ferrego la KN mais lobby Ferrego là a signé contre en Espagne de un jour okay. Après. Ouais, ouais, c'est quoi tout ça l'analyse ensemble des naïfs. Sur un d'ango faire tant à zoa qui a vu à qui end. Je crois que vol tant faire à qui n'a qui tient comme end et zoa tant. Tiens à la loger. Donc, soit qu'il y a haine, c'est-à-dire, il y a une haine. La haine, ouais. Maman qui est en haine, on va réfléchir. Maman qui est en haine. Donc, on ne passe pas à la haine. Les mêmes jours, je ne pense pas. Okay. Il faut que tu saches un repos. Mm-hmm. Après, on a un contact, on a un contact. Voilà. Maman qui est en haine, il y a deux jours, même jour, mon corps, peut-être, ma solo, on a été, tu vas signer ma blog en Nyoso. Trop bien. Il y a deux, trois jours pour que tu aies un Kinshasa. Si tu as un salaire au camp, non, ma salle en Espagne. Mira, tu es fais rigolo. Il s'est divisé en deux parties. Katikata nzoto na eke en Katikata nzoto na eke Espagne Moli mona esko tika li wapi. Très bien. Parce que tu meka peko réfléchir bongo. Donc dans la dev ata air moko to meka ko ça les fort ya ko ça intelligent. Très bien. Tu meka un peu ko ba ko éduquer parce que auto ça les a carrière. Très bien. Lelo toi après demain peut-être tu osais sur ba communicateur tu aimes osais sur auprès des artistes et aimes sur artistes pour partir ka ba carrière ba s'embrasser ma mamsu ba j'ai pas repos. Mais tu redevenir ba nani lobby. Ceux qui ont basaki carrière na biso na ba biloko oyo. Lobby na biso ezala et ces années ni. Donc toi mais quand peu que ça l'effort. Donc le ba ta mon dans ma vérité. Ata oui, na ko soutenir artiste X, mission na ngezali détruire artiste oyo. Mais toi ça on dit de manière intelligente. Là on te maman ndebo lobby bon end. Siko, end na ko siko. Très bien, Fiston Fram, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avançons lentement sûrement sur votre plateau de valeurs tout info. Alors, comme je le dis que bah, français, bah, nous, bah, que comparaison n'est pas raison. Mais la communauté congolaise, je te compare à tout. Et lorsque tu compares à tes, nous salamati. Donc nous sommes te comparer. On a vu deux photos. Merci. Tu as deux photos, voilà. Et circulé. En disant que non, Fally Ipupa a été le premier ambassadeur d'Hélico Cash au banque. Fait rigolo qui vient après Hélico Cash et au banque. Donc, on sent que c'est tout ce que Fally fait. Fait rigolo à l'andaraka, fait rigolo à l'andaraka. Si même n'a pas sponsor, fait à l'andaraka. Je pense que la question est là, je pense que oui. Ok. Dans le bac, on a deux billes. Mais pourquoi faire ça la mieux que Oyo Ndegona Salaki? Tant que l'artiste a signé le contrat, premier ambassadeur à la banque, dans Hélico Cash. Hélico Cash a bénéficié ni de la part de l'artiste. Très bien. A même Hélico Cash, tu es à la banque, ni. Il y a qui premier ambassadeur. Parce que faire Oyo est deuxième ambassadeur, supposons deuxième ambassadeur, Hélico Cash, il y a pas Ndegona. Hélico Cash, tu es à la banque, à côté, c'est combien de comptes il y a à faire dans Adidas? Okay. Point d'interrogation. Ok. Na yé, na ferré, na za quoi pour un plus, na mboka pe na bateau travail na bon. Très bien, bien réfléchi. Na lobby en bien la debi. Ah, ferré en salama, place yazo kende, ferré ya toujours corriger que ça la mieux que yé. Pourquoi? Maintenant, c'est poser ma question. On accepte. Azaki premier ambassadeur, oui, Hélico Cash na rao banque, oui, mon mémé li bango nini. Ba bénéficie ni na part na yo. Ok. Obi rao banque ane se mon bon à côté. Au ciné contre mon coup na Adidas dans un bénéficiaire il y a qu'on garder na mission il y a osaranaté il y a un client des jours de passer pour un bon moment au na carrière peut-être de bateau collaborer na bango ba côté bien au moins tu que ba tu faut ça la débat wana pour quand on Sony il y a bisous à qui ne lico et ça cause mon tout moi si mon boy doit vivre na yi si vous avez na moi si wana ti et ça dit que yo kabo na moi si wana to tiki moi si wana. Je ne sais pas si je suis un mois. Si je suis un mois, je suis un mois. Je suis un immeuble. Car à danger. Je suis une stabilité. Je suis un mois. Je suis un mois. Carrément, déjà. Ma famille est un mois. Voilà. Je suis un mois. Donc, faire rigoler le loi, ça est fort. Il y a un peu de moins de langue. Il y a un peu de moins de temps à travailler dans le monde. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de cash ambassadeur, oui. Mais il y a un peu de temps. Mais faire rigoler la peine, il y a un peu de temps. Telle est l'occasion de mes bangs. Donc, tout bon, on a vu sauter. Donc, c'est que l'andaté fait rigoler sur la zone. C'est-à-dire, alors c'est un peu fort. Il y a aussi une image de paix. Neko, ça l'appelle l'occasion bien. Amène mon matoui. Aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, elle est bien. Si, mais ça l'appelle bien. Ok. On a quelqu'un à souvenir. On a quelqu'un à souvenir. On est un peu sonné. Toi, par contre, c'est un mot. On a fait rigoler. Voilà. Merci beaucoup, Dave. Fais ça en vidéo. Voilà. Artiste international, Yara. Baby, on a pour Anis. Aussi, on a contre Anis. Non, y'a. Je suis aux artistes, y'a Neni. Ah, bah! Y'a. Je suis aux artistes, y'a Neni. Ah, international. Fiston Fab. Ouais. Yo, Miss International, Yaka, Osalarani. Pa. Yo, ya. On va communiquer ni. Parce que toi, tu as vu que Miss International, Fali est international. Une noce bien internationale. De la forêt. Fab gaz international. C'est tout ce qu'on a. Ouata international. C'est tout ce qu'on a. N'a fali na. Mais pourquoi une noce bien? Pourquoi c'est le même boutique à Bango? Quand j'ai parlé ici, la tête n'a cité comment m'outouté. Ouais. N'a parlé d'une manière générale. On a dit, moi, il y a la communication, tous les gestes comptent et tous les mots comptent. Ok. Dans un intellectuel, je sais mon ça là, dans la maîtrise, la communication m'a cassé. Bien. N'a mis que transmettre un peu message. Mais on a lobby, les gens comprennent que Mouto a le baboué. Par rapport à Badir, parce que Mouto Moro a ignoré, Fer a été humilié dans ces pays par rapport à concert Adidas. A voyage raté, a bête raté, a ébiété, a ébiété, a ébiété, a salaranini, tant y'a bisou, a ébiété, a ébiété. Mais n'a mieux sur un intérêt à Mboka, tout pour bénéficier de la vient se confirme dans le lobby. Sur le lingui moi si la bolingue c'est un fond de bâtiment ben un plus. Donc moi si faire bâtiment un plus c'est un fond de bâtiment un plus. Exactement. Mais sur la bolingue ben un plus c'est il faut laisser. Ouais. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Donc on comprend que faire raison d'avoir un plus. La maman je sale. Et on a le bâti qui est au salon inerte c'est intéressant. Pas longwa. Donc bon c'est l'autre qui a au gang. Maintenant tant on se cause sur le babon. On se visait directement en personne. Par exemple. Personne. Donc, vous êtes un artiste international. Non, mais on a senti lésé, Zahir. Alors, aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui, après ces contrats, nous avons fait rigolo à l'international. Déjà, ou bien fait rigolo a été déjà international depuis quand? D'abord, moi, international, je suis un intellectuel, je peux définir en haut. Au moins, même musique, attends à ce que je suis international. Parce que nous sommes des internationaux. Des internationaux. Donc, ce matin, il y a un report en Jules, avion et qui est en Tanzanie. Ok, jamais la vol national. Très bien. Ok, la vol international. Place, moi, Air France, je suis au Kito, j'ai vol, moi, je international. Déjà, Baba artiste, c'est déjà des arabes internationaux, bango tout. Donc, alors, sur la lobby, en Obongo, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ma fille est déjà basée à l'international. Bien, par rapport, il y a dire, il y a tout, il y a qualifié. C'est comme si vous allez à l'international, il faut qu'on ait une photo de Bouba. C'est comme si vous allez à l'international, il faut qu'on ait une photo de M. Suna, na Davido. C'est comme si vous allez à l'international, peut-être, il faut que vous ayez peut-être, na mbwa whisky de Botambouanaï. C'est comme si vous êtes moins international et pas la vie sur la Congolais, comme vous êtes et l'autre mot, on dirait, il faut que vous ayez un mot, vous comme international. Il y a un petit cas de mec un peu. Mais faut la preuve internationale aussi. Oui, déjà, tu as longtemps habité en France, mais non, si tu habites en France, tu vas venir, tu vas habiter en double zénith. Bah, j'y vais, mais ça va, Eva, papa, oui, ma barre d'angers, ma barre internationale. Bah, ça, d'ailleurs, international, bien, on va local, néni. Bah, ça va preuve à danger, ma femme, brigade, ou en héritier, ou en tanab. Ce que vous voyez, on va local par rapport à national par rapport à quoi. Bah, ça va international, bah, preuve, on va mettre à la mine à poto. Ok, ok. Et au artiste, on va mettre à la mine à poto. Peu importe la capacité d'en haut, mais déjà, tant que vous avez mis comme ça, bah, déjà, faut les féliciter. Alors, bah, tout ce qu'on va comme la presse moroboé, catégorie presse moroboé, comme on est comme minimiser certaines des artistes, c'est qu'on vend sa bonne ma couée moroboé. C'est comme si, bah, c'est l'eau côté, bah, ça va être forté, c'est comme si. Il y a un moment où les lots. Ils ont foutu à bang, nous avons confondu les bonhommes. Quand vous parlez ceci, nous avons écouté à l'accès de nous, monsieur. Et au bas de ma haine, peut-être, tout est bateau, que discipline, nous avons l'habitude de nous faire retraiter par qui c'est, monsieur, sur le Nengue Bélé. Jour J-15, le 20, les concerts du 20, du 20 avril, déjà, l'artiste Ferrigola va faire un grand concert. Comme Fiston Frappe, tu viens de le dire, que Ferrigola a été tellement critiqué par rapport à Adidas Arena Naye. Et par rapport à ma critique, moi je sais, il y a un peu toujours, il y a beaucoup de temps dans la critique. Est-ce vrai que Ferrigola s'est produit lui-même comme producteur la concert on a Adidas Arena? Il n'a pas de producteur Oyo à porter garant pour produire l'artiste Ferrigola. Na ndenge bato ba qualifier Ferrigola ndenge ba zuela raye azan national azel loté boy déjà a comme le niveau Adidas a signé contrat. OK. Pas comme le niveau ana a signé contrat Adidas déjà ils ont ba paramètres. Producteur et artiste Ferrigola c'est un pain congolais. Très bien. On t'a produit Ferrigola Adidas ça rien à congolais té. Donc Ferrigola a un producteur. Na carrière à faire dépend de la musique. Et ça, na concert, mon côté, ça l'autoproduction. Très bien. Sauf que toi, ça, là, il y a une bête à ta va en aïe. En préférence. Mais abîme, ça m'a une approche à ces produits. Bat bobo san. Et là, on a carrière à outil à la terre en Rouana. Donc, tu jamais collaboré na yo. Ah, ça la moté. Bimisa mono sala exigence nanga na yi. OK. Il est comme ça. Donc, conseil Adidas Arena, ils ont la producteur. Conseil Arena Genève, ils ont la producteur. Puis ba conseil monsieur Tobeta na poto, ils ont la ba producteur. Donc, yemoko azarazum mo na yi, aboyoka na manager na yi, boke na biwone bo signer contrat, papa OK, c'est bon, ba tenir rapport ta ezaboy. Je vais nous préparer équipe naé pour la production. Maman a goûté la réalité, ma contrat, maman a monsieur, ma pointe, ma production est à la réalité. Mais Adidas, c'est un contrat, monsieur. Il a contrat à production. Ou il a contrat à partie personnelle. Ou il a les griffes. Ou il a les mains, il a les fins. Donc, il a tout désormais. Ou donc aujourd'hui, Ferrego la mission valise Adidas. Aujourd'hui, Ferrego est obligé de l'attaquer à griffe Adidas et non griffe. Non, oui. À quoi ça peut être naïque? OK. Alors ça fait ça pour matin. OK. As un partenaire officiel Adidas. Donc Nazar on a déjà il faut contrer ma griffe mususu. Soit on l'accepte que tous les gamins ne bête on l'a tango la ninga au sabanati. As un contraire on l'a tango donc si on l'a tellement la nzoto naie ils en a griffité. Parce que mais on l'a tellement ils en a griffé pas. Alors c'est la mombongo. Alors c'est la mombongo on l'a t'a fait Adidas ça fait par mois c'est la mombongo par semaine ne va y aucuni. Dans la droite, on a ta griffe ou sous, tu prends la publicité griffe ou sous. Donc, on a regretté ma Nike. Papa, il y avait une house, ma Nike, on a tout, ma Rebo qui va. Donc, il y a ton podium, on a tout, on a mis la bise, on a tout, on a tout, on a désormais, on a ta Adidas. Ok. Pas Zaye, mais c'est là où on a ta griffe ou sous. Maintenant, on a ta griffe ou sous. Lui-même, l'artiste. On a ta Adidas. Il y a un moment quand même, comme ça, grand. Et qu'on influencer déjà. Alors, pendant que Ferrego Lazak s'est poumonné de gauche à droite pour la réussir, il y a des événements dans les 20 dans le 21. Ça, la Adidas Arena, ils ont 99 000 places. Et aujourd'hui, voir un artiste comédien, Fiston Saïsaï, qui a passé à la télévision, de dire que pour lui, il aurait même conseillé à Ferrego Lazak à Benga, à concert, ou à la concerté. Abenga yango ba répétition tellement la salle elle est moukié makasi donc abenga yango ba concerté abenga yango ba répétition pour ça là est grand par rapport à la grandeur naïe il peut pas se produire la salle à longona maintenant ça va bavard maintenant ça va bavard la vie à ton envie à fouta ma boy au nyo salobaki réponse nango il a signé un contrat là ça allait au vanda salo bo finga ki amukié bo donc en quelque sorte, il y a un finger qui est Adidas. OK. En quelque sorte, il y a un finger qui la marque Adidas. Marque Adidas. Parce que j'ai une réponse. Parce qu'on a habité sur un courage à l'émission. On a habité l'émission à l'émission. L'émission à l'émission, on a rectifié ni le temps au bandeur, le part au lobani. Comparaison à l'émission. OK. On a artiste de soutenir. On a fait rigolo, on a un grand. On a côté pas un finger 5 fois. Très bien. Parce que balak mangon magou ya ko côté pas un finger. Na minito yo. Artiste ça ici à soutenir à la tarafiri à la taradidas à la tarafiri n'habite sur un tumbango va n'engue nani comme nani artiste sinaïste ou nani connais nani à tumbaba versus c'est qui encore Eddie Murphy Eddie Murphy n'habite sur qui à tumbapé bah didas sinon ça non parce que n'a mis tout sur la tête didas ou la tifiri non la mise au fallait à la taradidas à quoi tumba n'est n'a pas les artistes ok n'est n'a pas les batunaï. Et ça va communiquer, ça va vous aider. Donc, la minute, on a habité sur la retomba, tout va vous aider. On a habité sur la retomba, ma marque Adidas. Si quoi, on va calculer la salle qui. L'artiste, on a au côté pas faire combien de fois. Dans l'Italie, professionnalisme. Très bien. Dans l'Italie, ma solo. À ça, on calcule. Au côté pas faire combien de fois. Donc aujourd'hui, ce que Ferrego vient de faire, ils allaient frapper moi, ma casse alors. A frappé partout. Donc, Nitsu, j'ai le courage, je vais félicitations. C'est les Congo qui gagnent. Très bien. Félicitations, c'est les copains. C'est le premier artiste africain. Même David, on va se là. Tu as ta griffe, moi, tu as la langue, l'autre. L'autre. Tu as fait l'exhibition, tu es là. Tout ça, les pères forts à terre, pour moi, je suis là. Tout ça, les pères forts à terre, je suis là. Parce que faire l'exhibition, tu es là. Donc aujourd'hui, quand un artiste, n'importe quel artiste africain, a son la ta griffe Adidas, il y a un artiste moko. Allez la rambongo ya oh ya auto somba dida. La recommandé bamba somba balata pas faire un côté là. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On avait reçu là l'un de communicateurs et artistes et musiciens Ferrego là par rapport à l'actualité au artiste le 20-21 avril dans Adidas Arena et puis le 15 juin à Genève. Arena. Et avant ça, Ferigola va faire des concerts dans Congo Brazzaville et puis un concert populaire ici à Kinshasa. Et je pense que le concert Rwanda, je serai là pour un concert à Kinshasa. Je serai là pour envoyer Sabino bah image. L'avant concert déjà nous serons là pour ça la baladeur et tout. Nous serons là pour travailler parce que selon moi c'est un concert de revoir. Sauf faire rigoler Betty Wana toi au bout d'un après juillet après barré l'agneau soana. Alors quand ça mange je dis déjà Fiston Frappe, ouais. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à tout Balandi Bisso, par rapport à Mamino Soto Betty Masolo Awa. Qu'est-ce que tu peux finir en disant que merci à l'artiste Ferregola, merci encore parce que vous pouvez biso que vous aurez un plus nombre en ayo. Merci à Golo Nyoso et te recommander Golo Nyoso désormais tout que nous sommes tout là Tadida c'est ça biso bien. Donc on enseigne puis rendez-vous le 20 le 21, rendez-vous à Brazzaville, rendez-vous na le 13 août. Donc voilà, vous avez comme message na ngai et na pesi mbote na ndeko tout botali biso Yannick Kayenga mon invisible. Blanchard et tous américains propres, ils viennent à la di Fumu, il y a le Boko Mbenga, il y a Janice Tansunga pour tous les gourous du temple, maman Anita la Gabonaise, Sœur Nanga Annie Dembo, maman Pauline Chako, la PC Mot Nayako, maman Boss 5 étoiles, maman Florence Mbaki, bon séjour à Kinshasa, maman Florence Mbaki, mère Toza Lazana, Yosa mère Nabiso, Tiko Toza Nabiso, Tim Kolozonga, la PC Mot na Oxini Lumene, pourquoi pas mon vieux Bessine Blé, les Ligues des Champions, il y a Thierry Gola, la PC Mot à présent et JD dans l'Ouala, dans la Colosi. Je viens d'en vivre, c'est Chouga. Je suis DJ Dolly Chamo. Merci. Na geste et merci Nilo Bosalaki. En tout cas, ça me va droit au cœur. On est ensemble. Dans ces pistes, même nous sommes en train de nous faire un peu de jamais dessus. En tout cas, merci de retour au Talibiso. En tout cas, Bissot continue toujours au salam. Merci l'invitation à l'Odona. Donc, on a toujours pour couper sa information. Ceux qui besoin d'aller. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, je recommande tous les Gaulois et les Gauloises, venez vous abonner dans votre champ de valeur tout à fait. Nous sommes là pour faire le travail. Vous informer, c'est notre droit. Être informé, c'est votre devoir. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à dire un grand merci à Dave Kabia qui était au four et au moulin pour la réussite de cet événement. On se retrouve dans une autre émission et c'est tout à l'heure.